de Charles Ferdinand Ramu, Nouvelle. Un vieux de campagne. Je suis comme un vieux de campagne qui est assis dans sa cuisine. On fait la moisson. Il est assis dans sa cuisine sur un fauteuil de velours rouge à clous dorés qu'on a été prendre au salon. Il y a un salon parce que sa ferme est une belle ferme et qu'il est riche. Seulement à quoi sert-il d'avoir de quoi, comme il pense, et il soupire, si vos jambes ne vous portent plus, si ces jambes qu'on avait fortes sont maintenant toutes tordues et raides, tellement raides qu'on ne se déplace plus que sur deux béquilles, et qu'elles pendent entre les deux, sous vous, comme si elles n'étaient plus à vous. On leur dit d'obéir, elles ne vous écoutent pas. J'ai une volonté, elles ont une volonté à elles. Le courant qui les mettait en communication avec la tête, là où sont vos idées, a été tranché d'un coup de ciseau. Il regarde ses béquilles, on les a déposées à côté de lui, les appuie sur la table, les bouts sur le carreau. C'est des belles béquilles, les appuis sont de cuir. On y a même foutu des clous dorés, comme au fauteuil, pense-t-il. Est-ce pour se moquer de moi? Les bouts sont de caoutchouc, c'est pour qu'on n'entende rien. C'est pour que je puisse me promener dans la maison comme un fantôme, le fantôme de ce que j'étais. C'est du beau travail. Il soupire, considérant comment ces béquilles sont faites, avec une belle courbure, où est logé un support pour les mains. Le bois est un bois d'un beau noir. Est-ce qu'elles sont en ébène, ou bien si elles sont seulement vernies? Mais alors, c'est un bon vernis. Il ricane. Il retire la pipe de sa bouche. Le tuyau est plein d'un jus noir qui fait du bruit quand il aspire. Il en a plein la bouche, il en sent le goût sur ses lèvres. Il ravale sa salive. Je ne sais même plus fumer. Bon à rien. On fait la moisson sans lui. On fait la moisson et il n'y est pas. Sa personne n'y est pas, ni son œil, ni sa volonté. Aucune présence de lui n'assiste là-bas dans le champ à l'empilement des gerbes sur le char. Ni ici, dans la maison, à leur rentrée, qui est le seul moment où l'on soit sûr, enfin, de les avoir à soi. Nulle part, il n'est plus. Ni à côté des chevaux, qui suent sous leur filet, et un enfant se tient à côté d'eux avec une branche verte pour chasser l'étang. Ni quand ils prennent le trot pour hisser le char dans la grange, à pont. Et les hommes enfoncent leurs fourches dans le chargement du côté qui penche afin d'éviter qu'ils ne versent sur cette levée de terre où pousse l'herbe et d'où les fers arrachent des paquets de terre qui vous sautent contre dans l'effort que les bêtes font. Moi, on me met à la cuisine. Il écoute, c'est tout ce qu'il peut faire. Il écoute, parmi le bourdonnement des mouches, le grincement des essieux, au loin sur la route, le tapement des sabots sur l'asphalte, puis l'espèce d'arrêt qui suit. Et il y a un silence, des claquements de fouet, des cris poussés à plein gosier, puis un halètement tendu quand les chevaux sont lancés sur la pente, qu'il faut qu'ils prennent d'un seul élan. Alors un grand tonnerre gronde dans la maison, la lampe qui pend au plafond se balance au bout de sa chaîne, et il est sur votre tête, le bon tonnerre, que c'est fini, que la récolte est à l'abri, que 6 mois de peine et de soucis trouvent enfin leur accomplissement. Mais moi, à quoi est-ce que je sers? Il empoigne une de ses béquilles. Heureusement qu'il peut encore se servir de ses mains. Il tient une de ses béquilles tout debout et cogne de toutes ses forces sur le carreau. C'est un bruit mou. Il cogne encore. On ne vient pas. Il tape à grands coups sur la table. La porte s'ouvre, c'est sa femme. Combien est-ce qu'ils en ont déjà rentré cet après-midi? 75. Le vieux fait un calcul, il n'a pas besoin de papier, il a encore bonne mémoire. L'année passée, on avait récolté 60 gerbes sur ce même champ des prases. Il y a progrès, l'année est bonne. Mais cette autre année, il était debout. Ses jambes n'allaient déjà pas bien fort, mais enfin, elles le portaient encore. Il avait été, à tout petit pas, avec sa vieille canne d'épines à corbin, par les sentiers jusqu'à ce champ qui est à lui, depuis toujours, un beau champ situé au-dessus du village. Sous le grand ciel, parmi le vent, par les petits chemins pierreux bordés de haies, où les moineaux, à son passage, faisaient explosion, projetés tous ensemble en l'air comme quand une pierre éclate. s'était plaint un instant devant lui, dans le bleu de toute espèce de débris qui retombait un peu plus loin. Lui qui allait tout doux, un pas encore et puis un pas, mettant ses pieds l'un devant l'autre dans ses pantoufles, employant une bonne demi-heure pour faire ce bout de chemin qu'il parcourait dans le vieux temps en 5 minutes. Mais cependant il avançait quand même. Il avançait par ses propres moyens et avec son propre moteur, libre quand même sous le grand ciel, parmi le vent. Il ouvrait toutes grandes ses narines à ces bonnes odeurs qu'il avait toujours respirées. Les unes qui venaient de loin, les autres qu'il faisait lever sur son passage, comme quand on débusque un lièvre. L'odeur du pain qu'on vient de cuire, qui est celle des pierres chauffées par le soleil. L'odeur de la menthe écrasée. Et cependant, il continuait d'avancer, à tout petit pas, mais c'est quand on est vieux, et on avait oublié qu'on est vieux, et puis ça vous retombe dessus. Il voyait enfin paraître ce grand beau champ d'Épraz où il était chez lui, et il le montrait bien, prenant en travers du talus, montant dessus de ses 2 pieds et les enfonçant dans la terre. Un beau grand champ aux angles bien droits, parfaitement rectangulaire, étendu devant lui au large de la pente, tourné en plein midi, recevant le soleil de son lever à son coucher, et il en était fier, ce qui lui rendait des forces. De sorte qu'il était là, debout, il était là au bord du champ, l'année dernière, et il s'appuyait sur sa canne. Il était là dans son pantalon de grisette, son gilet à manches, le col de sa chemise déboutonné, fumant sa pipe, fourrant sa pipe dans sa poche, puis faisant encore quelques pas. Et, d'un bout à l'autre du champ, les gerbes étaient couchées à terre, régulièrement espacées. On aurait dit des femmes endormies, la jupe étalée sur les pieds. Des femmes qui attendaient qu'on vînt les tirer de leur sommeil, ce qu'on faisait d'un coup de fourche. Car le char était là, aussi, allant de l'une à l'autre. Et sur le char était un homme, et à côté du char un homme, et à la tête des chevaux un 3e homme qui les tenait par le mors. Lui, surveille, l'homme qui était à côté du char enfonçait la fourche pendant que le char avançait. Alors, on voyait l'homme à la fourche faire un mouvement de côté sur le coussinet de ses reins, tenant à bout de bras ce lourd fardeau d'une belle couleur qui quittait à regret la terre qu'il avait nourrie. Hésitait, restant un instant suspendu. Puis, d'une nouvelle torsion de ses reins, l'homme le soulevait droit dans l'air, lui faisant faire un trajet circulaire, de sorte qu'il se trouvait maintenant juste au-dessus de la tête de l'homme, qui étend les bras tant qu'il peut et s'allonge de tout le corps, laissant ensuite la gerbe aller vers en bas et retomber dans le char à échelle où on les dispose à mesure. Lui est là. Lui surveille, il estime, il évalue, il mesure d'un coup d'œil la force et l'adresse qu'il faut. La force, parce que c'est lourd. L'adresse, parce qu'il faut éviter tout mouvement inutile qui ferait que la graine irait se perdre en terre entre les poils raides des fétus tranchés qui vous piquent le dessous des pieds et font penser ensemble à une brosse de chien-dent. Il est le maître, il était là, l'année dernière. Et puis, c'est dans l'hiver que la crise est survenue, et le rhumatisme ne pardonne pas quand il se met dans les articulations. Me voilà les jambes nouées. Il dit à sa femme, « Qui est-ce qui charge ? » ?»« C'est Louis. »« Ah, misère, il n'a pas le coup, et il n'a pas beaucoup dormi. À quelle heure est-il rentré ?»« T'inquiète pas, » dit Madame Cavin. Il donne de nouveau des coups sur le carreau avec sa béquille. « T'inquiète pas, c'est du commode à dire. » N'empêche que c'est sur moi que tout retomberait si quelque chose n'allait pas. Est-ce qu'au moins ils étaient tous là ? Tous. Rubatel est venu ? C'est un ouvrier de campagne qu'on emploie en temps de presse et qu'on paie à la journée. Et Ulysse, qu'est-ce qu'il fait ? Ulysse, c'est le domestique. Et Adrienne, est-ce qu'elle est venue donner un coup de main ? Adrienne, c'est la servante. Le vieux n'oublie personne. Et Julienne, elle n'a pas dû dormir beaucoup, elle non plus. Julienne, c'est sa fille. Elle est rentrée avec son frère. Le frère de Julienne, c'est Louis. « Qu'est-ce que tu veux ? » dit Madame Cavin. « Ils sont jeunes tous les deux. »« Jeunes ? » dit le vieux. « Ah, misère ! On ne peut pourtant pas les tenir enfermés. »« C'est vrai, » dit le vieux. « Mais c'est la moisson. Elle se fait sans moi. à cause de ces saletés. » Il empoigne ses béquilles, il les secoue. Elles ont fini par tomber sur le carreau. Sa femme les a ramassées. « J'y allais, moi aussi, à ces fêtes de jeunesse. Eh bien, j'ai fini d'y aller. »« Tiens-toi tranquille, » dit sa femme. « T'agite pas. On est là, tout de même. Tu as ton fils. Et puis tu m'as. »« Oh, je ne dis pas, » dit le vieux. Il regarde sa femme. Je suis comme un vieux de campagne qui ne quitte plus sa cuisine. Et de l'autre côté des murs, la vie se fait où il n'est plus. Il regarde sa femme. Il pense. Elle n'est plus tant belle. Dire que je faisais 2 heures de marche tous les jours du temps que je la fréquentais. 1 heure pour aller, 1 pour revenir. 1 heure de marche pour 10 minutes de Cosette, par la pluie, par la neige, par le beau, de jour et de nuit, sous la lune ou sous point de lune, de la neige jusqu'au genou et jusqu'au-dessus du genou dans le ravin de la Sérigne, sous les bois où l'eau se tient exprès en suspension dans les feuilles après l'orage. Il vous pleut dessus quand même, il ne pleut plus. On se cogne à un arbre, on reçoit tout le paquet, avec les renards, par des temps où ils sont seuls à sortir de leur terrier, par des nuits tellement noires que c'est comme si on jouait à Colin Maillard avec les troncs. On allait, les bras tendus de l'un à l'autre, sans savoir où on était. 1 heure de marche, et, souvent, on ne pouvait même pas être ensemble, il regarde sa femme. Rien que tous deux pour 10 minutes. Ses parents avaient des visites, ou bien elle avait trop à faire. Je disais, « Comment va-t-elle ? » On me disait, « Elle va bien, elle va venir, assieds-toi seulement, Ernest. » Il fallait m'en retourner par ces mêmes chemins que je n'avais pas trouvés en venant, parce qu'il n'y en a plus l'hiver, et les chemins qu'on suit, il faut se les faire à mesure. Il regarde sa femme, il pense, « C'est pourtant une bonne femme. » Il regarde sa femme, il ne la reconnaît plus. « Qui est-ce qui me l'a changée ?» Elle est là, avec une grosse figure rouge, en sueur, et une grosse poitrine tombante, dont un corsage bleu marine à pois masque mal l'écroulement, un tablier de grosse toile de ménage noué autour de la taille. Elle ne bouge pas, immobile sur ses gros pieds dans des pantoufles à revers, les jambes largement écartées. Qu'est-ce qu'elle attend? Ou bien, si c'est seulement qu'elle profite de la fraîcheur de la cuisine, parce qu'on a un moment de répit, et le temps passe, et on jouit de ne plus rien faire. Mais le vieux, lui, ne la reconnaît plus. Il se dit, elle n'est plus tant belle. C'est pas possible que ce soit elle qui m'ait fait encourir dans le temps. Il faut bien qu'on me l'ait changée. Puis, il se met à réfléchir, il marmonne des choses. Le temps. Ah, voilà, c'est le temps. Il se dit, c'est que le temps passe, et je ne dois pas être beaucoup plus beau à voir. Et, tout haut, ah, misère! Qu'est-ce qui ne va pas, Ernest? Rien! Il est en colère. Un nouveau char de gerbes entre dans la grange à pont, un nouveau coup de tonnerre ébranle la maison. Les vitres tremblent dans leurs carreaux, on entend le tapotement pressé des sabots des chevaux sur le plafond qui laisse, par ses interstices, filtrer des filets de poussière. Il veut se lever, il ne peut pas. Sa femme le fait se rasseoir. Il lui a crié. « Tu viendras me dire ce qu'ils font. » Je suis comme un vieux de campagne au milieu des travaux des champs, et comme ils se font hors de sa présence, c'est comme s'ils se faisaient contre lui. Il jure, mais ça ne sert à rien. Il tire sa pipe de sa poche, il la bourre à grands coups de pouce, sa pipe ne tire pas, rien ne va plus. Il écoute anxieusement le bruit à l'étage au-dessus de ce déchargement du char, dont les gerbes, une à une, sont enlevées à la poulie. On dételle les chevaux, on les emmène à l'écurie. C'est fini pour aujourd'hui. On entend parler dans la grange, une voix de femme, des voix d'hommes. On entend la poulie pousser un cri aigu, comme quand on pince une fille, et puis elle se lamente longuement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent du temps. Il y a quelquefois la poursuite éperdue à grands coups de souliers ferrés d'un rat qui tente de s'échapper et qu'on assomme à coups de pied. Lui s'énerve. Le temps passe. Lui tire sa montre. Le temps passe. L'heure du souper est déjà passée. Ils ne descendent toujours pas. Rien ne va plus quand je ne suis pas là. Enfin, sa femme est arrivée. Sa femme met la table. Lui n'a qu'à se tirer de côté. C'est ce qu'il fait avec un grognement. Le feu de bois de hêtre dans le fourneau lui répond par un même grognement, tandis que le couvercle de la marmite est secoué, et de temps à autre, une bûche éclate avec un bruit comme un coup de feu. La soupière, les assiettes, les cuillères d'étain, les couteaux. Il est poussé au bas-bout de la table, il faut que sa femme l'aide ensuite à venir prendre sa place à l'autre bout. Il est le maître, un drôle de maître. Est-ce qu'ils n'ont pas fini de me trimballer, pense-t-il ? Et eux, ils arrivent enfin. Eux, sa femme, Rubatel, Ulysse, son fils et sa fille. Sa femme est à côté de lui et à côté d'elle, Julienne. Louis est assis à sa droite. Viennent ensuite les deux autres. On entend seulement le bruit des bouches qui aspirent, le bruit des cuillères qui plongent dans l'assiette en cognant contre les bords. Lui ne mange qu'à peine. C'est pourquoi il ne parle pas. Et, parce qu'il ne parle pas, personne ne dit rien non plus. Ils ont enfoncé la fourchette dans une pomme de terre bouillante et la tiennent en l'air devant eux, entamant prudemment la pelure qu'ils tirent à eux, mettant à nu la chair blanche et luisante qui fume. Une main se tend vers le fromage, une main taille dans le fromage, puis cette main retourne à l'assiette avec le morceau. C'est le soir, vers 7 heures, il fait beau. La fenêtre qui donne au midi est grande ouverte sur le jardin. Un merle qui a aperçu un chat fait, avec son bec, un tapotement sec comme une machine à écrire, dans les arbres où il saute du bout d'une branche à l'autre en battant des ailes. Il y a une poussière rose dont on ne sait pas bien si c'est la lumière du soleil à son coucher ou si elle n'émane pas plutôt de la terre où les poules vont grattant avec les pattes. Elle séjourne à mi-hauteur devant les dahlias du jardin, noués dans leur milieu à des tuteurs fichés en terre, et qui sont là comme des dames dans des jupes serrées à la taille, baissant la tête, la redressant, sous leurs grands chapeaux d'été à fleurs roses, rouges, jaunes, panachées. Des gens passent sur la route, un vieux tous, une faux combat. Tous ces bruits entrent par la fenêtre dans le silence de la cuisine, qui est enfin rompu par le vieux. « Eh bien, comment ça-t-il été aujourd'hui ?» C'est le vieux qui prend la parole. « Vous en avez fait combien ?» Louis répond « 250 ». Les autres hochent la tête parce que c'est un beau chiffre. 250 gerbes qu'il a fallu, une à une, lever puis coucher sur le char en les disposant de telle façon que la charge de part et d'autre soit égale, sans quoi le char risquerait de verser. Et ils sont contents d'eux-mêmes. Mais il ne semble pas que le vieux soit content. Il n'a rien ajouté. Il grogne quelque chose. Il se lève. Et tout le monde en même temps que lui. Il s'approche alors de sa femme. « Tu m'enverras les enfants. J'ai à leur parler. » Il est dans sa chambre à coucher. Il est assis au pied du lit. Un énorme lit de noyer à 2 places, avec des montants où sont figurées 2 demi-colonnes noires, qui aboutissent dans le haut à un médaillon peint en noir également, où une rondelle d'os blanc est comme un petit œil. Sur le lit, un énorme plumier recouvert d'une étoffe à carreaux rouges et blancs, distendu, fait penser par sa masse à de la pâte qui a levé. Lui, le vieux, est assis à côté du lit. Il attend. Il soupire, il tire un gros soupir de sa poitrine, et encore un, les mains posées sur les genoux. Louis entre. Il ressemble à son père, grand et maigre, avec un long nez et des taches de rousseur. Il a une chemise bleue, à manches courtes. « C'est pas comme nous dans le temps, » pense le vieux. « Nous, on mettait des chemises en toile faites à la maison. Elles étaient rousses d'abord. C'est à force de les laver qu'elles devenaient blanches, et des chemises avec des manches. Ces chemises de couleur, c'est rien. Mais c'est la mode. Il est jeune. Il suit la mode. » Son fils est debout devant lui. « Je suis comme un vieux de campagne qui fait venir son fils au soir parce qu'il a à lui parler. Écoute, Louis. » Le vieux se dit, « Ces garçons, est-ce qu'ils tiennent tellement à vous ? On les a fait ? On ne sait pas comment on les a fait. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Et le mien, par exemple ? Le mien, peut-être qu'il n'est pas trop fâché de me voir cloué sur ma chaise, parce que c'est lui qui commande, et le maître, à présent, c'est lui. » Le vieux dit, « Écoute, Louis, c'est toi qui commandes, et c'est juste. Seulement, quand on commande, on ne pense pas à s'amuser. On n'en a plus le droit. Tu es rentré tard cette nuit ? Tu sais bien, père, que c'était la fête de jeunesse. Tu y as été dans le temps. Le vieux dit, dans le temps, mais aujourd'hui, c'est la moisson. Et si on veut qu'elle soit bien faite, il faut y être avec toute sa tête. Tu n'étais pas trop fatigué ? Louis a dit, père, penses-tu ? Oh, dit le vieux, je sais bien ce que c'est, les amis, le vin, les quilles, tu as dansé ? Bien sûr, dit Louis, mais pas trop. Et à quelle heure es-tu rentré ? Je ne peux pas te dire au juste, vers les 3 heures. Tu vois, dit le vieux, tu t'es levé tôt, tu n'as pas dormi. J'ai pourtant travaillé comme un autre toute la journée. Oui, mais, dit le vieux, et la surveillance ? Tu me remplaces, n'oublie pas, il n'y a pas que les bras qui comptent. Est-ce que tu sais te faire obéir et faire travailler ton monde ? Tout a bien été quand même, je crois, dit Louis. Tu crois ? Il faudrait savoir. Louis ne s'est pas fâché. Il reste calme. Il ne proteste pas. De temps en temps seulement, il fait un geste. On vous a bien recommandé de ne pas contrarier les malades. Le vieux ne sait plus que dire. Je suis comme un vieux de campagne qui voit ensuite entrer sa fille et que c'est une forte fille, qui a un tablier blanc et une blouse en toile bleue, avec des manches rapportées qu'on met pour éviter les piqûres des chardons quand on porte sur le lien. L'homme qui attache la gerbe empoigne le lien par les deux bouts. C'est encore un lien d'osier, comme dans le vieux temps. Les rapproche, les tord, puis, avec le genou, donne un coup sec, avant d'introduire la clé et de donner le tour de clé qui fait que le tout tient ensemble. Julienne est un peu courte et forte, comme sa mère. « Je t'ai fait venir, dit le vieux, parce que je ne suis pas tranquille à ton sujet. Est-ce que tu commencerais à courir ?»« Oh ! Dit la fille. « Oh ! Dit le père. C'est fait, je sais bien. On t'avait permis d'y aller, mais je ne veux pas que tu tournes mal. Et, avec ces garçons, si jamais tu avais quelqu'un, je compte bien que tu viendrais me le dire. Tu n'as pas des fréquentations ?» La fille est devenue rouge. Elle secoue la tête. « Moi, je ne peux pas te surveiller, dit le vieux. Moi, je ne suis plus rien, dit le vieux. Il m'arrive d'avoir peur que tu ne fasses des bêtises. « Oh, papa !» dit Julienne. Elle se redresse avec dignité. « Et elle, à quoi pense-t-elle ? C'est ce que se demande de nouveau le vieux. Et, de nouveau, on ne peut pas savoir. Elle est douce, elle est gentille, mais qu'est-ce qu'elle cache là-dessous ? Alors le vieux pousse un gros soupir. C'est une façon, du moins, d'attirer sur lui l'attention. Si on ne peut pas avoir autre chose d'elle. Il dit, va me chercher ta mère. Je suis comme un vieux de campagne qui ne peut pas se mettre au lit tout seul, alors sa femme vient l'aider. Elle écarte l'édredon, lui se couche à plat ventre sur le matelas. Il gémit, elle le prend par les jambes, lui se tire en haut sur le ventre jusqu'à ce que sa tête repose sur l'oreiller. Elle fait alors en sorte que les jambes viennent se ranger sous le drap à la suite et dans l'axe du corps qui est déjà en place. Pendant qu'il se retourne sur le dos avec peine, bougeant petitement ses jambes jusqu'à ce qu'elles aient trouvé la bonne position. Ça prend du temps. Il est enfin couché. Il soupire. « Tu es bien ?» Il dit que non. « Veux-tu que je te fasse une tasse de camomille ?» On lui apporte une tasse de camomille. Le village s'endort, les oiseaux attardés regagnent à la hâte leur nid avec des cris aigus et des battements d'ailes. On entend encore au loin le maréchal Ferrand qui fait sonner son enclume à coups espacés. Il a du travail en retard. Le son s'affaiblit. On a laissé la fenêtre entr'ouverte. Le vieux a bu sa camomille. Sa femme tourne le commutateur. Ici se termine Un vieux de campagne de Charles Ferdinand Rameau. Illustration musicale de Pascal Krieg, Sadness, tout droit réservé.